Mais c'est pas non. En fait, t'es sérieux, toi, tu m'envoies des je t'aime, tu me manques, et là, t'es avec ça, là. Et pourquoi t'as pas changé, ça me prend ça. Sorry, t'inquiète, j'suis ton grand frère. Il fait gangster, mais j'vais le faire. J'veux pas te voir souffrir à long terme. T'es ma petite sœur et ça me concerne. Ça c'est le sang. Fais gaffe à tous ces hommes qui la font pas. Au début ils sont mignons, ils sont sympas. Ils jouent bien de la flûte, mais ça compte pas là. Ça compte pas. Et là qui m'en boucle, n'y plus le philosophe. Tu me dis qu'avec moi, c'est pas comme les autres. Et là qui m'en boucle, n'y plus le philosophe. Avec moi, c'est pas comme les autres. Avec tes bonnes, avec tes bonnes. T'as plus de sœur, mais tu t'agis. Moi je décolle, moi je décolle. Tu fais le voyou, mais t'es un pas. Je suis gentille, un speak. J'ai plus d'en pour qu'on t'explique. Je suis là pour mentir, mais t'es critique. J'ai mon objectif, j'ai ma famille. Je suis porté par ma game. J'entends des bla bla bla la la la. Pour ça, je suis pas la la la la la. Avec des salades. Tu t'as le bébé, tu m'as manqué. Y'a rien qui m'en boucle, n'y plus le philosophe. Tu me dis qu'avec moi, c'est pas comme les autres. Y'a rien qui m'en boucle, n'y plus le philosophe. Tu me dis qu'avec moi, c'est pas comme les autres. Reste avec tes folles, avec tes folles. T'as plus le seul, mais tu t'agis.